spécificité. Saupoudré d'accent, fluff la fonte et va être surexcité. Pissé à souhait original, label de qualité. Dextérité d'un grand chef pour pure plat volonté. Imaginaire en plein action, artiste en plein activité. L'amour d'un art couleur parfum pour client exalté. Derrière le micro, le commis doit respecter un savoir-faire originaire de la rue. Pop en l'art culinaire. Nourrir l'esprit, le cœur, besoin vital pour exister. Chimie, ma touche, ma patte, blé d'art, style pour subsister. Trop de bouffe, de rat, trop de recettes, aux partitions formatées. Peu doit se flotter avec le prince, t'invite à déguster. Pas moyen de résister, se désister. Une fois que tu y as goûté, la bave au lèvre jusqu'aux oreilles, le corps complètement dérouté. Concurrence en griffe, s'abstient, complètement dégoûté. Affiche son ados à qui a ma cause. Complètement ébatté. Goûte-moi ça. P-R-I-N-C-E. Goûte-moi ça. Hey, wa. J'entends pas la populace qui crie sa race. Hey, un hey. Qui coule à flot du Décamelka. Goûte-moi ça. Spécialité du rock, ma fait le mica. Goûte-moi originalité ça. Du plat au grain de voix. J'entends pas la populace, ça soit fait de flot. On vient inonder le marché. Et c'est débilité. Tout le monde déhanché. Sur mon flot d'attaque. Clientèle de basse bouche à oreille. Dans publicité, ça fait flot. Stresse la table. Pétage de câble, attente est insoutenable. Les affamés s'installent alléchés par l'odeur palpable. Capable du meilleur comme du mieux de renommée. Redoutable, crédibilité intouchable. Trompe d'arrangement à l'amiable. Dans ce métier y'a des hauts des bas. Habitué à repartir de zéro, ouvert à tout débat. Hey, ce qui prime la sincérité sans crie de bas. Pour l'échafe à torque d'imposteur, c'est Harba, Harba. Maintenant ça part dans tous les sens. J'entre en scène dans la salle. Haute voltige, service du kiff, extrait sa quintessence. Une immense foule m'acclame car ils aiment cool, même mec là. Slalom entre la table boula. Et que dame charme là. Goûte-moi ça. P-R-I-N-C-E. Goûte-moi ça. Hey, wa. J'entends pas la populace qui crie sa race. Hey, un hey. Qui coule à flot du Décamelka. Goûte-moi ça. Spécialité du rock m'a fait le mica. Goûte-moi ça. Originalité du plat au grain de voix. J'entends pas la populace, ça soit fait de flot. Parole d'ennemi d'état. Moi j'te dis quoi, rire. Y'a la DST à la mosquée du coin. C'est aimé, plus de 40 barbares. Ouais, mec. S'organise comme en Cisjordanie. Toujours Hami pour une émeute. Dans les substances marocaines, toujours high-tech. Haut de gamme, même au bagne. Imprutueux comme le proxénétisme. Échec. Toujours en plan zigzag entre les opérations. Sont foireuses de flics, les interpellations, anti-délation, fellation, style arabique, carabine, point indique, 16 mesures d'outrage, soit agent de la force publique, dealers cachés derrière la racine, qu'ils affinent leurs clés de bras, désormais dans nos halls, y'a des champions de grappling, vive rapide, les mille et une nuits, des voyous, paroles solennelles, un pépissier d'une lamelle, célèbre, je suis venu brûler l'Europe, nique sa mère, comme les émirs, je peux vider les stocks de chez Chanel, je suis venu vous chérir.